Salut Frédéric, salut l'équipe. Ben, je voulais vous remercier pour toutes ces années de blockbuster. Là, je suis en train de nettoyer mon toit et je repense à toutes les émissions que j'ai entendues. Je sais pas si je préfère les émissions où je connais parfaitement le sujet avec mon épouse, on se lance des petits regards de connivence quand on est d'accord avec les invités. Les sujets où je connais, où mon épouse connaît pas, ce qui me permet de lui faire découvrir, où elle me dit ça, jamais tu me feras regarder. Ou encore les sujets que je connais moi, pas du tout, genre Céline Dion ou les Spice Girls, où je découvre des choses, où je me dis, hey, franchement, il faudra que je creuse ça. Donc merci à tous. Juste, voilà, je suis sur mon toit, j'écoute Dedo lister toutes les fractures que s'est fait Jackie Chan, et je commence à stresser de tomber. Donc si vous voulez juste pour cette émission, vous mettez en pause, hein, et on reprend une fois que je suis descendu. Merci, à plus. J'adore Jackie Chan. J'aimerais beaucoup tirer des infos claires de l'émission et que j'écoute avec plaisir. Je sais pas, des titres de films, nous orienter vers des visionnages, etc. Et là, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à suivre. Les gars parlent énormément vite et c'est difficile d'en ressortir avec des informations claires. L'écoute est agréable, mais on ne retient rien du tout. Allô, Blockbuster. Juste pour vous remercier, parce que souvent les émissions un petit peu cinéphiles, on se sent à la rue si on n'est pas très cultivé. Et là, j'ai l'impression d'être super à la page et je pensais pas qu'il y avait des gens qui partageaient mon admiration pour le grand artiste qui est Jackie Chan. Et puis, bah, longue vie à vous et à lui aussi, parce que quand même, il passe à travers les mailles. Allez, des bisous de la Réunion et bonne soirée à tous. Merci. To be or not to be, not to be. Les Daft Punk ont tout compris. Ça fait des années qu'ils portent des masques. Sur les masques, je m'étais promis de ne rien dire. Vraiment, sur le sujet, j'ai essayé d'avoir la tolérance de Marlène Schiappa quand elle s'assoit à côté de Gérald Darmanin. Je me suis dit, si Marlène arrive à manger tout un chapeau en applaudissant un ministre accusé de viol, moi, franchement, je peux bien avaler un masque. Chaque matin, voyez-vous, je passe une heure et demie dans le RER où le masque est désormais obligatoire. Et franchement, qui connaît le RER aux heures de pointe en plein été, sait que le masque aurait toujours dû être obligatoire. Mais n'oubliez jamais que les contraintes sont génératrices de liberté. Et s'il est obligatoire de le porter, l'être humain, dans sa grande diversité, a décidé de le porter comme bon lui semble. Certains les portent sous le nez, d'autres sur le menton, quand ce n'est pas sur le coude. Oui, j'ai bien dit sur le coude. S'ils nous disent d'éternuer dedans, ça veut bien dire que c'est par là que c'est contagieux. Hein. Alors, petit moyen mémotechnique pour savoir comment porter un masque. Voyez-vous, avec son masque, Batman meurt du Covid. Spider-Man, lui, survit. Mais il existe désormais une autre catégorie d'individus, ceux qui ne le portent pas en signe d'insoumission à l'ordre mondial. Les Louise Michel du nez qui coule, les Rosa Parks de la Touchesse, qui n'ont de mépris pour celles et ceux qui le portent. Ceux-ci regardent la ceinture de sécurité avec dédain, le préservatif avec condescendance. Ils sont des lions au milieu des moutons. Plus tard, les générations futures chanteront leur gloire devant des statues d'eux brûlant les masques, comme certaines féministes brûlèrent leur soutien-gorge avant eux. Ces gens-là passent leur vie à dire qu'ils n'ont peur de rien. Mais quand je pense à ces 30 000 morts, à nos seniors, nos soignants, je me dis, ciel, que ces gens sont effrayants. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Depuis le départ, on a essayé de faire les choses de façon différente, de nous présenter d'une façon inhabituelle. Et au lieu de montrer nos visages, plutôt de les remplacer par de la création, par des clips où on n'apparaîtrait pas, avec des réalisateurs talentueux. Et au niveau de l'image de se transformer en robot, on trouvait que c'était plus amusant. Et c'est vrai que c'est devenu, avec les années, une certaine marque de fabrique. Ouais, je pense qu'on essayait de nous surprendre nous-mêmes et d'essayer d'arriver avec quelque chose musicalement et visuellement, mais musicalement aussi, qui soit quelque chose qui fasse avancer les choses pour nous et que ça soit un projet aussi surprenant pour les autres que pour nous et aussi motivant et intéressant. Il y a des rencontres du lycée qui vous marquent. Certains rencontrent leurs meilleurs amis, d'autres leurs âmes sœurs, et enfin d'autres rencontrent un peu des deux. C'est à 17 ans que Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem Christo se rencontrent au lycée Carnot. À l'époque, ces deux jeunes hommes, qui ne s'appellent pas encore Daft Punk, ne savent pas qu'ils vont révolutionner la musique électronique et lancer un mouvement qui va conquérir la terre entière, la French Touch. Pour revenir sur le parcours de ces deux génies versaillais, j'ai avec moi celle qui partage son amour entre la pop culture et Bowie, son chaton, Océane Zerbini. Bonjour. Bonjour Frédéric, merci pour cette description très exacte. Vous êtes la fondatrice du podcast The Lemon Adaptation Club et fan de Daft Punk. Tout à fait. Avec nous également Stéphane Jourdain, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste pour une excellente station de radio que je vous invite à écouter, France Inter. Mais comme le service public, on le sait, ça a eu payé, vous êtes aussi écrivain. Et vous êtes notamment l'auteur de l'ouvrage French Touch 95-2015, une épopée électro aux éditions Castor Astral parue en 2015. Exactement. Enfin, Sébastien Follin, bonjour. Bonjour, vive la Réunion. L'homme qui a une culture musicale. Je l'ai placé comme ça. Mais c'est très bien, il fallait le faire. L'homme qui a une culture musicale proportionnelle à son cuir chevelu. Vous êtes animateur à la télévision, on pourra vous retrouver dans l'effet pangolin à la rentrée, mais aussi dans le podcast Les Combattants Pacifiques fin septembre, et vous serez le président d'honneur du festival Atmosphère du 6 au 11 octobre à Courbevoie. Ouais, je le suis à vie, hein, je ne le saurai pas, je le suis. Bah, c'est très bien. C'est, pour une fois que je suis président de quelque chose, si vous voulez, je préfère le revendiquer. Ensemble, on va retracer le parcours de Daft Punk, leurs inspirations, comment leurs expérimentations sonores ont toujours aussi été des voyages visuels, que cela soit avec Spike Jones ou bien avec Leiji Matsumoto, le papa d'Albator. On tâchera de comprendre ce qui fait d'eux des machines à tubes et surtout, qu'est-ce que c'est que cette fameuse French Touch. Blockbuster épisode 12, saison 5, c'est parti. WDBK, NT3.7, the sound of tomorrow, the music of today, brings you exclusively Daft Punk's homework. One more time, we're gonna celebrate. Oh yeah, alright, don't stop the dancing. Stéphane Jourdain, comment se sont rencontrés les Daft Punk? Alors, ils se sont rencontrés au lycée Carnot, dans le 17e à Paris, lycée qu'on doit remercier, car 20 ans avant eux, Louis Bertignac et Jean-Louis Aubert se sont rencontrés dans le même lycée, à peu près au même âge, entre 15 ou 16 ans, quand on commence à se former aux arts et à la culture. Et c'est là que Guyman et Thomas se retrouvent. D'accord, donc c'est un lycée où on fait aussi du français de temps en temps ou je sais pas, il faut peut-être regarder aujourd'hui qui sont les gamins qui les fréquentent, parce que manifestement, tous les 20 ans, il y a un super duo qui émerge. Et est-ce qu'ils avaient une formation de musiciens plus classique à la base? Je sais pas, mais ils étaient dans un milieu en tout cas musical. Le père de Thomas était producteur de musique, donc ils baignaient là-dedans. Ils avaient les moyens de se payer des instruments, ils avaient une pièce chez Thomas Bangalter pour faire de la musique, tout ça à un jeune âge. Donc oui, ils baignaient dans un environnement où c'était possible de faire ça. Ouais. Alors, Sébastien Follin, les Daft Punk sont un groupe français, mais qui ont désormais un rayonnement mondial. Qu'est-ce que ça représente à l'échelle de la musique globale que les Daft Punk? Ce qui est intéressant pour rebondir sur la question que tu as posée juste avant, c'est que c'est en effet des musiciens. C'est une époque où c'est très foisonnant au niveau des DJ, c'est la dance music qui commence vraiment à exploser. On sort de cette culture des années 80 très underground avec les DJ français comme Laurent Garnier, mais les Américains, les Frankie Knuckles, les Carl Cox, qui vont construire la dance music, la house sur. Enfin, ils vont pas construire la dance music, ils vont continuer la dance music en construisant la house sur les cendres du disco et du punk. Et dans les années 90, on va commencer à avoir un léger basculement pour passer de l'underground à quelque chose de beaucoup plus grand public, et c'est Daft Punk qui va réussir à faire cette transition, non pas avec le premier album qui garde encore cette patine un peu underground, mais surtout avec Discovery, l'album qui sort ensuite en 2001, si je dis pas de bêtises, Stéphane. Ouais. Et cet album où d'ailleurs certains de leurs fans vont un peu leur reprocher d'être partis vers quelque chose d'un peu plus pop, mais on se rend compte qu'il y a une espèce de boucle temporelle qu'ils ont fait, puisqu'ils ont commencé en faisant de la pop avec leur groupe Darling, guitare, basse, batterie. Et d'ailleurs, il y avait un autre membre dans Darling, un troisième. Laurent Mankowitz, ouais, futur qui ensuite, Phoenix. Et c'est incroyable quand même. C'est-à-dire que être à trois, il y en a deux qui sont Daft Punk et l'autre qui part créer Phoenix, c'est énorme. Ah oui, et puis alors si vous allez plus largement, toute la bande autour, il y a les Étienne de Crécy, le frère de Crécy qui fait de la BD, enfin voilà, on est dans un environnement où il y a beaucoup d'esprit créatif. Ouais. Bob Sinclair avec la Yellow à l'époque, avec son label, enfin. Et donc ce que je voulais dire, ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils sont vraiment à un moment charnière où ils vont rendre cette dance music grand public, et avec la French Touch, avec en effet tous ceux qu'a cité à l'instant Stéphane, avec Cassius, avec Étienne de Crécy, Super Discount, enfin les années 2000-2010, Alex Goffer, enfin c'est absolument dingue ce qui s'est passé à cette période-là. Et donc eux, ils sont vraiment passés de cette espèce de côté underground à quelque chose d'extrêmement grand public. Océane Zerbini, de quand date votre amour de Daft Punk? Je pense que ça date de Discovery. Et des clips qui passaient sur une célèbre chaîne de télévision qui passait beaucoup, beaucoup de clips. Et c'est vraiment cette esthétique qui m'avait intéressée. Et la première chose qui m'a marquée quand je repense à Daft Punk, c'est le clip réalisé par Michel Gondry de Around the World. Oui, mais justement, ça tombe parfaitement bien. Et bien pensé cette émission que vous en parliez. Parce que ce qui m'a marqué en travaillant sur cette émission, c'est que les Daft Punk ont à la fois une recherche sonore qui est évidente, mais aussi une recherche visuelle. C'est-à-dire que très tôt, la majeure partie de leurs morceaux se sont accompagnés d'images très très fortes qui marquent la rétine. C'est-à-dire qu'on se souvient de leurs clips. Oui, ce qui est valable d'ailleurs pour toute la French Touch, parce que Étienne de Crécy pour Super Discount a quasiment pensé ce puzzle en quatre morceaux avant de se mettre à la musique. Alex Goffer a fait une cover d'album historique parce qu'il a repris un procédé inventé par son grand-père pour avoir un espèce de truc en aluminium. Donc ils ont tous eu, Alain Haut, même Bob Sinclair avait une identité visuelle très forte. Ils ont tous misé là-dessus très fort au début. Ça, c'est vraiment une touche française. Ouais. Et alors, le premier clip, c'est Michel Gondry avec des chorégraphies de Biancali. Alors, moi, je viens d'un milieu où on connaît vraiment personne. Comment on fait quand on sort du lycée pour créer un premier groupe et ensuite avoir Michel Gondry et Biancali qui viennent faire un clip avec vous? Ah, bah, quand votre père est producteur aux États-Unis, ça aide beaucoup. Et puis, je pense qu'ils ont eu cette appétence très vite. Dès qu'ils ont pu, ils sont achetés une maison à Los Angeles. Voilà, il y avait cet attrait chez tous ces types aussi d'aller aux États-Unis et de se coller à ce milieu-là. Guyman, tu en parlais tout à l'heure, et Thomas, quand ils étaient au lycée Carnot, ils passaient leur journée à regarder des films. C'était des énormes cinéphiles et c'est comme ça que s'est liée leur amitié. Et avant Gondry, il y avait Spike Jonze quand même, qui était à cette époque-là la grande star du clip, de la pub, un ou deux ans avant qu'il ne fasse Dans la peau de John Malkovich. C'est lui qui signe le premier clip Daft Punk, qui a vraiment marqué les esprits. Le morceau lui-même a marqué les esprits parce que c'était quelque chose d'absolument dingue, cette première chanson de Daft Punk. Un groupe s'appelle Daft Punk, qui a un titre s'appelle Daft Punk. Déjà, ça brouille les pistes. Derrière, on ne les voit pas dans le clip. Il y a ce clip complètement surréaliste de Spike Jonze. Et puis la musique, on ne sait pas très bien si on est dans un truc électro, si on est dans un truc funk, avec cette espèce de batterie de caisse claire, de ce clapping, ce sample qui rappelle un tube des années 80 de Laura Branigan. Enfin, il brouille les pistes dès le début. C'est plaisant, on peut danser dessus, ça peut être de la pop, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Alors, vous savez, ce que j'adore dans les émissions musicales, c'est quand on passe des extraits et qu'ensuite il y a des auditeurs qui râlent en disant « Ouais, vous avez pas parlé de la période pré-électro-funk de Daft Punk où ils ont chanté avec Dave Sullivan lors de la Colonel Starlight Session de 99, la base, quoi. Et en plus, vous parlez sur les morceaux que je peux écouter chez moi quand je veux, c'est inacceptable !» Je vis pour ces moments-là. Donc, tout de suite maintenant, si on écoutait Around the World, c'est Daft Punk. I'm C'était Around the World des Daft Punk dans Blockbuster sur France Inter. C'est un extrait de Digital Love. Et si vous voulez nous en parler, notre répondeur est disponible au 01 56 40 30 20. Nous sommes toujours avec le journaliste Stéphane Jourdain, l'animateur Sébastien Follin et la podcasteuse Océane Zerbini pour évoquer Daft Punk. Alors, depuis le début de cette émission, on parle du monde de la nuit, des rêves parties, etc. Et moi, j'avoue que c'est un monde que je connais très très très très mal parce que la musique techno, ça s'arrête souvent au parking quand je voulais aller en discothèque parce que ben, je rentrais pas. Et donc, je voulais savoir, c'est vrai qu'on voit des DJ comme ça, phares, qui apparaissent sur les stations de radio, mais comment ça se passe une rêve partie? Et comment tout d'un coup il y a une star qui émerge? Stéphane Jourdain. Alors c'est un monde que eux-mêmes connaissaient mal au départ parce qu'ils venaient pour la plupart du rock. Les Daft Punk ont commencé en faisant du rock, Philippe Zarr aussi. Et ils ont eu un choc en faisant leur premier rêve. Les Daft Punk c'était à Beaubourg. Philippe Zarr en parlait avec beaucoup d'émotion d'une rêve où il a été avec Étienne de Crécy sur une péniche qui a duré plusieurs heures et où le lendemain ils sont allés acheter du matériel. Ils ont commencé à composer ensemble, ce qui donnera plus tard Pansoul de Motorbass, donc un des joyaux de cette musique. Donc les rêves et ce qui va avec les rêves, le boom boom, la techno, les drogues parfois, ont joué un rôle très important dans le lancement de ses carrières. Sébastien Follin. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est exactement ce que disait Stéphane, ils sont vraiment à la croisée de tout ça, c'est-à-dire que c'est des musiciens qui vont découvrir le DJing grâce au rave, et ils vont vraiment s'investir là-dedans, et on le voit dans tous les shows qu'ils ont fait dans les années 2000, entre autres le fameux show de Coachella qui a marqué les esprits, mais ils ont cette... peut-être ce truc de rockstar qui n'y avait pas forcément. Les DJ de rêve étaient là pour faire danser, donner du plaisir à 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 personnes. Eux, ils ont intégré en plus cette dimension spectaculaire dans leur manière de faire leur art. Mais en effet, il y a eu un choc ils ont vécu un choc avec cette espèce de liberté de voir tous ces gens s'amuser. Tout simplement, en fait. Tout simplement. Océane Zerbini, vous avez déjà participé à une rêve party? Pas du tout. À vous non plus. Jamais. Moi, les rêves parties, c'est des fêtes de 10 personnes chez moi où on écoutait vraiment Daft Punk à fond, par contre. Oui, c'est ça, en fait. C'est ça. En jouant aux jeux vidéo. Rêve parties. Et en jouant aux jeux vidéo, parce que c'était, avec mes amis de l'époque, c'était vraiment quelque chose qui était ancré, c'était soirée jeux vidéo avec du Daft Punk. C'est, l'un n'allait pas sans l'autre. Donc en fait, on peut rassurer les auditeurs, si vous n'avez que pas 29 500 personnes autour de vous, vous pouvez quand même apprécier Daft Punk de manière très très traditionnelle. Alors c'est à partir de 1995 que tout s'accélère, hein. Ils font les premières parties des Chemical Brothers, ils signent chez Virgin, et c'est vraiment là l'envolée et une reconnaissance internationale, Stéphane Jourdain. Oui, ils signent d'abord chez Soma, qui est un label écossais très connu dans le monde de la techno. Et ensuite, ça va aller très vite. Ils vont produire leur album de leur côté. Ils refusent de le montrer aux gens de Virgin, de le faire écouter aux gens de Virgin. Ils sont très sûrs d'eux. Ils ont déjà un avocat. Il faut imaginer ce que c'est. Ils ont quel âge, Ils ont 18-19 balais. C'est ça qui est complètement dingue. Hein. C'est qu'ils savent ce qu'ils veulent faire. Ils savent où ils veulent aller et ils vont y aller. Et ils négocient pendant 6 mois. Emmanuel de Burtel, Maya Bazbeuf qui ont négocié avec eux, que j'ai rencontré, racontent, mais vraiment un combat avec les autres maisons anglaises qui sont sur eux, parce qu'ils commencent à mixer à Londres, on commence à les entendre. Un combat vraiment quotidien pour pouvoir les avoir. Il a fallu monter un réseau international pour les rassurer et ils ont fini par les signer. Et ce gadget, mais qui les résume tellement aujourd'hui, le fait qu'on ne voit jamais leur visage, ces casques comme ça qu'ils portent à la manière d'Iron Man, d'où ça vient? Il faut imaginer ce que c'est pour les mecs des maisons de disques à l'époque, d'avoir ces blancs-becs de 18-19 ans qui leur dit « Ok, on signe chez vous, mais on n'apparaît pas pour le marketing de l'album ». C'est juste complètement dingue à l'époque. Et ils ont obtenu ça, ils l'ont fait dès le départ. Et bravo, quoi. Mais alors là, c'est juste un point de vue technique, c'est-à-dire qu'on dit qu'ils sont capables de faire des concerts de 3, 4 heures, 5 heures, mais 3, 4 heures avec un casque, mais c'est comment font-ils, en fait? Alors, ils ont d'ailleurs travaillé avec, je me rappelle plus du nom du grand spécialiste des effets spéciaux à Hollywood qui a fabriqué leurs costumes et leurs casques en particulier. Et c'est vrai qu'il a fallu faire ce qu'il fallait pour pouvoir donner un peu de ventilation à l'intérieur, qu'ils puissent respirer quand même, parce qu'en effet, tenir 3 heures de set de DJ ou de concert avec ses casques sur la tête. Moi, j'ai fait plutôt à Disneyland pendant 1h30 déjà, en plein cagnard. Oui, mais en plein cagnard, je me suis dit, Daft Punk qui fait 5 heures de concert comme ça, mais La question est, sont-ils toujours en dessous du casque? Il y a eu les rumeurs les plus folles ont circulé là-dessus. Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'après ça ouvre toutes les légendes possibles, comme cette légende racontée dans le doc de la BBC de Pedro Winter qui dit on est à New York avec toute l'équipe de Virgin, on descend et là il y a une limousine, une stretch limousine qui nous attend et les deux se barrent en courant. Et donc Pedro Winter a pris la limousine avec l'équipe de Virgin pour retrouver les deux Daft Punk un quart d'heure plus tard à l'endroit où ils devaient aller. Est-ce que ça s'est vraiment passé? Tout ça, c'est les histoires qui viennent alimenter la légende et c'est formidable. C'est génial de voir ces films, de voir les clips et de se dire, mais en fin de compte, peut-être qu'ils sont même pas là. C'est un joli pied de nez quand même. Non, mais il savait très très bien ce qu'il faisait. Alors, il y a l'époque des concerts à l'international et honnêtement, ça donne quoi un concert de Daft Punk à vivre? Il y a une dimension de show, c'est-à-dire que cette dimension visuelle qu'on retrouve très très forte dans leurs clips, est-ce qu'on la retrouve aussi sur scène? Alors moi, je n'ai vu que des images sur YouTube ou dans des images vues à la télévision. Je n'ai jamais eu l'occasion d'assister à un concert de Daft Punk en concrètement, mais c'est vrai que c'est un show visuel absolument dingue. Et il faut envisager ces concerts et ces DJ sets techno comme quelque chose d'autre qu'un simple concert de rock où la prestation, c'est le plaisir de voir le bassiste faire son solo, le batteur faire ses petits chihuahuas, enfin un vrai concert de rock tel qu'on l'imaginait pour les grands concerts de, je sais pas, les concerts mythiques qu'on a en tête de Queen à Wembley par exemple, c'est pas du tout la même chose. Là, c'est un show visuel et c'est quelque chose de la trance et c'est quelque chose qui est vraiment fondamental dans l'histoire de la dance music, c'est s'amuser. Prendre du plaisir, s'éclater. On reste pas là à se dandiner d'un pied sur l'autre quand on va voir un concert de Daft Punk ou n'importe quel autre DJ aujourd'hui, Diplo, Martin Garrix ou autre. On y va pour s'éclater et pour danser. C'est vraiment la base. Alors peut-être que Stéphane, lui, a eu la chance de les voir en concert. Oui, moi je les ai vus plusieurs fois, mais effectivement avec leur série de concerts live, on est en 2006, 2007, ils ont lancé la grande pyramide. C'était vraiment un feu d'artifice en termes graphiques. Ils ont lancé une mode qui ensuite a été beaucoup repris par le DM avec beaucoup de choses à regarder sur scène. Et aujourd'hui, quand vous allez voir n'importe quel DJ faire un concert, c'est un show absolument dingue. Pyrotechnique, c'est fou. C'était Lose Yourself to Dance des Daft Punk. Et à la technique aujourd'hui, on dit merci qui ? Merci Maxime Ingrand. Blockbuster, Frédéric Sigrist. I am your father. Sur France Inter. Alors, j'aimerais, avant de poser des questions sur Tron à Océane Zerbini, j'aimerais quand même avoir des réponses sur la sortie du génialissime Interstellar 555, réalisé au Japon par Kazuhisa Takenouchi, ainsi et animé par Leiji Matsumoto, le papa d'Albator. Alors ça, vraiment, moi qui suis fan de manga, quand j'ai vu ce clip et ce mini-film, je me suis dit, mais comment ont-ils fait et voilà. Est-ce que vous avez un petit peu la jeunesse de tout ça, Stéphane Jourdain? Bah, ils avaient une grande passion pour cet univers-là. C'est pour eux, ça fait partie de la pop culture, de s'amuser, de créer des ponts entre la musique et ça. Ils sont allés au Japon, ils l'ont rencontré, ça s'est bien passé, exactement de la même façon que ça s'est passé avec Nile Rodgers quelques années après. Voilà, c'est des échanges entre artistes et ça a fitté. Et alors, Thomas Bangalter travaille aussi également un petit peu pour le cinéma et il a bossé avec Gaspard Noé pour Enter the Void et Irréversible. Notamment. Oui, il a fait pas mal de bandes originales sur un son plus dur, plus techno, qui correspond plus à ce qu'il a fait sur son label roulé avant, avec de très grands morceaux. Il a toujours eu une très forte appétence pour le cinéma et on peut imaginer qu'il en fera d'autres. Ouais. Et tant et si bien qu'il y a eu la bande originale de Tron Legacy, injustement boudée au box-office, qui est la suite du film Tron, dans lequel des protagonistes se retrouvent à l'intérieur même d'un jeu vidéo, une bande d'arcade. Et Océane Zerbini, j'imagine que Tron Legacy, ça vous a marqué? Ah bah moi, ça m'a marqué. C'est pour ça tout à l'heure que je parlais de jeux vidéo, parce que c'est vrai que c'est vraiment un film qui a réussi à utiliser le son de Daft Punk pour avoir un mélange très organique, un mélange de classique et d'électro, et qui correspond parfaitement au ton du film. Et je pense que Tron Legacy, Tron Heritage n'aurait pas eu le même impact sans les Daft Punk, parce que c'est vrai que si on retient la musique, ça reste une suite d'un film adulé parmi la communauté geek, mais qui scénaristiquement ne brille pas. Mais c'est vraiment par son esthétique et par sa musique que clairement le film a brillé. Et c'est vrai que là, ils apparaissent dans le film d'ailleurs. Ils apparaissent d'ailleurs avec un petit caméo. Et c'est vrai que là, on attend de voir si Disney va mettre en route le troisième film et de voir si peut-être il reviendrait. C'est ce que je souhaite. Et on voit dès l'album Human After All qu'il recherche de plus en plus un son plus robotique. Eux-mêmes, dans certaines des déclarations que j'ai pu lire, revendiquaient l'envie de déshumaniser une certaine forme de la musique. Et d'où ça vient cette envie d'aller vers quelque chose de plus en plus brut, mécanique? Ah bah c'est la musique des machines, hein. Ce sont des sampleurs, ils ont commencé par là, cette musique n'existerait pas sans les samples, sans les boucles, ils viennent de là, ils ont pris cette musique à Chicago, ils l'ont digérée, c'est une musique de boucles numériques. Human After All, c'est un troisième album qui est sans doute le plus bâclé, celui qui a été fait le plus rapidement, on a eu l'impression qu'il se cherchait un peu. C'est un peu le dernier de cette série avant de partir sur quelque chose de beaucoup plus pop, organique, avec des vraies basses et un travail sur le son assez dingue avec Random Access Memories. Mais oui, ils viennent de là, ils viennent de d'Underground Resistance, des masques, on se cache derrière la musique et on fait de la musique avec des machines pendant des heures dans des garages. Et quelque part, ils incarnent aussi ce qu'était le DJ au début. Le DJ, il était dans un coin, hein. Il n'était pas au centre de la pièce, c'était pas le roi de la fête. Ceux qui étaient là, les rois de la fête, c'était les gens qui dansaient. Le DJ, on le voyait pas. Et donc, il y a de ça aussi dans leur culture. Ça a bien changé. Ah ben, ça a bien changé. Évidemment, évidemment, ça a totalement changé. Et maintenant, le DJ est totalement au centre de la pièce. Alors, eux aussi sont au centre de la pièce, mais ils sont masqués. Ils gardent encore cette dimension. Alors, autour de moi, tout le monde aime Daft Punk. Ma compagne aime Daft Punk. Mon fils aime Daft Punk. Mais ma fille, elle, un jour, elle m'a dit... J'aime pas. Eh oui, c'est le moment où on retrouve comme ça quelques critiques qui ont été lancées sur Daft Punk. C'est une petite compilation sur eux. Donc je lis. Une rumeur branchouillée voudrait imposer Daft Punk, groupe d'un single ahurissant, mais d'un album tristement harassant. Daft Punk rappelle que pour gagner un tas de Grammys, il suffit de dépenser quelques millions de dollars pour être sûr que votre album sonne comme un disque enregistré en 1977. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas leur visage? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Les voir se pavaner avec leur casque, c'est comme si je n'étais pas assez cool pour avoir le droit de les voir se marrer. Je suis épuisé par les Daft Punk, je n'arrive pas à me les sortir de la tête, ça devient atroce avec ces 5 trophées. C'est reparti pour Get Lucky à toutes les sauces, je vais rester chez moi et écouter Joe Dassin. Le groupe a peut-être perdu en sympathie auprès du grand public et par effet domino a perdu mon intérêt. Autre facteur qui laisserait penser que les deux robots boudent leur pays natal, leur refus de participer à la sélection des victoires de la musique. À croire que la France est devenue trop petite pour les Daft Punk. J'aime pas. Voilà, alors, évidemment, on est dans le pays qui a des complexe vis-à-vis du succès, mais on voit que il y a une certaine partie de la presse qui n'est pas tendre avec la réussite des Daft Punk. Oui, c'est lié aussi à l'art consommé du contre-pied qu'ils ont d'aller sur des terrains sur lesquels on les attend pas. Donc après avoir fait Homework, techno, house, assez dur par certains aspects, d'arriver avec One More Time, un morceau qui ressemble à du Cher, très grand public, très FM. Évidemment, il y en a qui s'en sont pas remis. Je me souviens de Trax qui avait fait deux critiques, une au Napalm et une autre plutôt favorable, parce que l'un des Red Chef voulait absolument dézinguer cet album. Donc oui, c'est lié pour moi aussi à cet art du contre-pied. Sébastien Follat. Et puis, si on regarde la pièce électro ou la pièce dance, je ne sais pas comment l'appeler parce qu'il y a quand même des subtilités dans lesquelles je vais pas rentrer ici en termes de définition, mais j'ai l'impression, et je vais peut-être faire hurler certains même qui vont tomber de leur chaise ou de leur table, c'est non, que les auditeurs nous écoutent debout. Daft Punk, on a fait un sondage, ils nous écoutent majoritairement debout. Non, mais alors toi. Daft Punk et David Guetta sont les deux faces d'une même pièce, parce que quand vous dites que la France n'aime pas le succès, David Guetta ici en France est quand même plutôt dénigré, alors que c'est une superstar dans le monde entier et c'est quand même lui qui a, avec sa collaboration avec les Black Eyed Peas, propulsé la dance dans une stratosphère ahurissante. Donc on va dire des chemins parallèles, puisque David Guetta est là depuis les années 80. C'est des chemins parallèles, mais Daft Punk aurait pu suivre la route de David Guetta, puisque toutes les plus grandes stars ont voulu collaborer avec eux, et très peu y sont arrivés. C'est même plutôt eux qui ont demandé la collaboration de quelques stars triées sur le volet. Mais voilà, on a ce problème avec le succès en général, qu'il soit underground ou populaire en France. Et en même temps, ce sont eux qui ont refusé d'être nommés aux victoires de la musique française. C'est la légende, on construit le truc, voilà, allez, hop, tout le monde en parle. Regardez, on en parle encore, c'était il y a 6 ans. Donc, on n'a pas fini d'en parler, tant mieux, ils ont tout compris. Alors Océane Zerbini, c'est vrai qu'on parle de Daft Punk qu'on connaît, mais il y a aussi des éditeurs qui connaissent mal les albums. Et c'est vrai que certaines chansons font danser, mais il y a aussi une mélancolie chez Daft Punk. Il y a beaucoup de mélancolie. Moi d'ailleurs, c'est mes morceaux préférés de Daft Punk. C'est pas les gros bangers qui passent en boîte de nuit, c'est vraiment les morceaux très mélancoliques comme Emotions sur Human After All, qui est peut-être ma chanson préférée du groupe. Et moi, ce que je préfère chez eux, c'est leurs chansons très romantiques, parce que je trouve qu'il y a une dimension très très romantique chez Daft Punk dans leurs textes. On la voyait déjà avec Digital Love, Something About Us. Mais je trouve que ce Random Access Memories, quand ils chantent The Game of Love, c'est vraiment une chanson d'amour très déprimante qu'on écoute quand on vient de se faire larguer. Et je trouve qu'ils vont justement vers une humanité un peu inattendue, c'est-à-dire que c'est vraiment beaucoup, beaucoup de machines. Mais on a l'impression que c'est des machines qui veulent aller vers l'humanité et vers des sentiments. Et c'est ça qui me plaît le plus chez eux d'ailleurs. Et donc c'est voilà, ça c'est sûr pour votre morceau préféré. Oui. Et pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas, si jamais il fallait conseiller un album et une chanson qui soit un petit peu, qui serve d'introduction, de passerelle à l'univers de. Pas facile ça. Ah. C'est dur. Hein. Ouais, mais, bah c'est pour vous Océane. Hein. Il fallait bien une question comme ça. Alors moi je conseillerais Discovery et One More Time. Je trouve que c'est vraiment une très bonne introduction à tout ce qu'ils ont fait en fait. Vraiment très bonne. C'est beaucoup de boucles. Et des paroles aussi, parce que toutes les chansons de Daft Punk n'ont pas forcément deux paroles, mais celle-là je trouve que c'est la synthèse parfaite de tout ce qu'ils ont fait. Stéphane Jourdain. Moi je conseille d'écouter Homework parce que c'est quand même pour moi l'album qui restera, qui a marqué l'histoire de cette musique. C'est difficile de dire la même chose pour les autres. Il y a la réalisatrice qui dit en même temps je suis d'accord. Elle valide. Homework et Daft Punk sont quand même des morceaux et un album qui ont changé la face de cette musique, quoi. Ils ont pris un son de rave, ils l'ont amené en club. Ça s'est fait en partie par cet album et c'est un album qui restera. Sébastien Folla. Je suis d'accord. Et résumé même à Daft Punk, quoi. Daft Punk, c'est quand même un truc hallucinant. En le réécoutant, en préparant l'émission, ça m'a renvoyé à cette racine commune que citent les rappeurs et les DJ électro des années 80. C'est Afrika Bambaataa. C'est-à-dire que Afrika Bambaataa, c'est Planet Rock et c'est Unity, Peace, Love and Having Fun. Voilà. Et c'est les fondements de la Zulu Nation qui sont les fondements du hip-hop. Et quelque part, on retrouve tout cet esprit dans ce morceau Daft Punk. Et aujourd'hui, 25 ans après, tout le monde s'est réuni. Il y a plus de limites, en tout cas pour la musique grand public, entre ce qui est électro, ce qui est dance et ce qui est hip-hop. Donc tout le monde s'est réuni. Et je trouve que Daft Punk, c'est vraiment l'introduction parfaite. Il y a tout Daft Punk dedans. C'était un extrait d'une chanson moins connue de Daft Punk, parce que c'est aussi ça, Blockbuster, c'est dénicher des petites pépites inconnues que les amateurs vont dire « Oh, mais d'où elle vient ?» C'est Get Lucky, chanté par un jeune chanteur qui aura peut-être une carrière, je ne sais pas, mais je lui fais, il s'appelle Pharrell Williams. Voilà, alors, en 2006, ils ont même été nommés meilleur DJ au monde. Alors, déjà, c'est quand même assez exhaustif, hein, j'imagine qu'il y en a qui ont un peu tiré la tronche. Et ils sortent un premier long métrage expérimental que l'on peut voir dans une seule salle de ciné à Paris. Mais ils ont quand même un petit côté barré quand même, les Daft Punk. Oui, ou élitiste, au choix, ça dépend, il y a un peu de ça aussi. Mais oui, un objet cinématographique assez étrange qui, lui, je pense, n'aura pas marqué l'histoire du cinéma, mais une espèce de tentative digne d'intérêt. Très racé, avec une belle photographie. Alors, en général, quand on commence à parler de la photo, c'est mal barré pour le film. c'est un signe. Ah, il y a Océane qui fait oh non. Non, je suis pas d'accord. Ah bon oui. Non, parce que c'est comme un artiste sur scène quand on dit oh, elle a une belle énergie. Ouais. Oui. Non, mais c'est de la performance. Vous voyez, ils sont vraiment dans cette performance artistique d'art contemporain, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils réfléchissent à tout, que ce soit l'image, le son, ils essaient de construire une œuvre globale. Et encore une fois, je me répète, hein, mais c'est génial. Une seule salle dans Paris, bah voilà, 14 ans après, on en parle encore. Mais ils ont refusé les victoires. C'est vrai, Paris, on voit jamais leur tête. C'est vrai, Sébastien leur... Félin, vous avez raison. Ils construisent leur légende. C'est une boucle. Attention, je risque de ressortir cet argument dans 10 minutes. Quelle heure est-il? Oui, ça va, j'ai encore un petit quart. Et alors, on voit que Guy Emmanuel est également le producteur de Sexuality de Sébastien Tellier. Alors quand on commence à repenser à leur ami Laurent Brankovic qui les a quittés avant la création de Daft Punk et qui a créé le groupe Phoenix, on se dit que finalement ce qu'on a appelé la French Touch, bah, c'est eux et leurs copains, c'est-à-dire que c'est le même groupe qui a décidé comme ça de faire une sorte de trust mondial sur un type de musique et un type de performance. Ah bah oui, puis Guy Manuel a offert quasiment des titres à Kavinsky qui ont eu un succès mondial, ils ont toujours travaillé un peu dans l'ombre de certains... Il y a eu des histoires de Bisbee avec Gin Tonic, avec Bob Sinclair. Voilà, ils ont donné des titres et effectivement, ils ont permis à d'autres producteurs d'éclore. Ils ont cette capacité-là et cette générosité-là. Et ça rappelle un petit peu le même esprit un peu clanique qu'on pouvait retrouver dans le monde du cinéma avec les Spielberg, Coppola, Scorsese au même moment, qui arrivent au même moment dans le milieu du cinéma et qui révolutionnent les codes. Ce qui s'est passé en cinéma, ils l'ont un petit peu fait à l'échelle de la musique électronique. Oui, alors il y a aussi Pedro Winter derrière ça, hein, leur manager historique qui a monté cette bande de Montmartre avec beaucoup de succès, beaucoup de talent et qui a toujours veillé à soutenir tout le monde, DJ Mehdi, Philippe Zdar, voilà, aime beaucoup rayonner autour de cette bande et c'était voulu. Et alors, il y a une question que je me pose, c'est que je suis aussi un grand auditeur d'hip-hop et le hip-hop fonctionne vraiment beaucoup sur la base de samples aussi. Et je me dis que comment une industrie qui s'est tellement construite sur la récupération de morceaux n'a pas plus travaillé avec tout ce qui fait le vivier du rap français. Il y a évidemment aujourd'hui des passerelles aujourd'hui. Mais comment ça se fait que plus tôt il n'y a pas eu cette synergie de compétences et aussi de milieux, parce que ça aurait pu créer une sorte de brassage? C'est une très bonne question. Je pense qu'il faudrait faire une thèse de musicologie pour y répondre. Demon, qui avait fait You Are My Eye, s'est essayé sur un deuxième album qui a été un échec commercial monstrueux, d'aller vers le hip-hop, un peu au même moment que Pharrell Williams, etc. Ça n'a jamais très bien marché. Ouais. Il a vraiment fallu attendre les dernières années pour que ça se fasse. Ouais, et puis c'est deux musiques jeunes puis adolescentes qui ont eu besoin d'arriver à maturité pour réussir à se réunir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout se mélange. On entend toutes les origines et toutes les influences dans la musique. Mais dans la musique électro, certains se sont un petit peu testés à mettre des petits ponts de rap, que ce soit Fatboy Slim, que ce soit les Chemical Brothers, mais en effet, on peut pas dire que c'était du rap à proprement parler. Mais ils avaient déjà fusionné la techno avec de la disco ou de la funk, hein, ce qui est quand même pas rien en termes de pont. Si en plus il faut rajouter du hip-hop tout de suite, il faut laisser le temps à la musique. Ouais. D'accord, donc on refait une émission dans 10 ans et on pourra parler de ce mélange harmonieux qui a eu lieu. Et alors, il y a l'album dont on a entendu un extrait, Get Lucky, qui est sorti, complètement différent des précédents, plus mélancolique aussi, plus organique, plus mélodieux. Et donc maintenant, ça va faire plus un pop. Moment. Oui, plus pop. Mmh. Ça va faire un moment qu'ils ont rien senti. Qu'est-ce qu'on peut attendre des Daft Punk? Un album de reggae? Une surprise. qui sait? Moi, ou de dub, puisqu'ils sont dans la musique répétitive. Non, pardon, je plaisante. Une surprise du travail sur le son, des mélodies, de la funk. Je pense que le dernier album de Sébastien Tellier peut être, je crois que Guiman a participé de près ou de loin. Peut préfigurer d'un son. Voilà, ils ont fait travailler avec The Weeknd. Je pense que Tellier, The Weeknd, on peut imaginer qu'il y a une ouverture de ce côté-là. Alors dans quelques instants, on va jouer dans une ambiance festive et néanmoins respectueuse des gestes barrières. Mais pour le moment, on écoute Parcelles et Daft Punk avec Overnight. Thank you. moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. Slow down, never. I know now, I know better. I need it more than ever. Go back under, hope that I fall on the track. It's all I've said and done. I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. It's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. C'était Overnight de Parcells et Daft Punk. Et maintenant, on joue. Attention, qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Sur France Inter. Et aujourd'hui, on a Vanessa au téléphone. Bonjour Vanessa. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va très bien, et vous? Oui, très très bien. Alors, êtes-vous fan des Daft Punk? Ben, je suis fan des Daft Punk, comme un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que j'aime bien écouter ce qui passe, mais sans pour autant être super fan de techno, de musique électro, etc. Bon, c'est pas grave quand même, on vous garde. Mais j'ai des experts en plus pour m'aider. Oui, alors vous connaissez le principe, je vous pose une question à laquelle vous devez répondre en 25 secondes chrono. Et si jamais vous n'avez pas la réponse, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire appel à un des jokers autour de cette table qui répondra à votre place. C'est bon? Merci. Alors, ouais, première question. Quel est le titre du film dont Daft Punk a composé la musique? Tron. Un petit complément? L'héritage. Oui, bonne réponse. Question suivante. Combien de Grammys Daft Punk a gagné pour leur dernier album Random Access Memory? 5 Grammys? 2 Grammys? Ou 3 Grammys? J'ai envie de dire 2. Vous avez envie. Est-ce que vous croyez qu'il est toujours justifié et bien vu de suivre ses envies? Donc vous dites 2? 2, ouais. Ah bah voilà. Alors, est-ce qu'on fait appel à un joker? On va faire appel à un joker, ouais. Stéphane Jourdain, Océane ou bien Sébastien Follin? Océane. Océane, je répète la question. Combien de Grammys Daft Punk a gagné pour leur dernier album Random Access Memory? Donc, 5 Grammys ou 3 Grammys? Je dirais 5. Eh bien, c'est une bonne réponse! Bravo! Bravo! Voilà, tout le monde applaudit. Dernière question. Quel est le titre de cette chanson des Daft Punk qui est aussi le générique de L'Heure Bleue de Laure Adler? À l'heure où la pluie tombe sur Paris, où le pays est ravagé par un virus dont on ne connaît peut-être pas la fin. Alors Vanessa? J'en sais rien. Vraiment? Vraiment? Je sais pas. Alors attendez, comme je suis gentil, vous pouvez encore faire appel à un joker. Ah bah alors Sébastien. Sébastien Follin. C'était quoi la question? Ah bah voilà. Bah, lui il fait sa vie. C'est quel est le titre de qu'on est en train d'entendre des Daft Punk? Very Disco. Il est incroyable. En hommage, entre autres, à Giorgio Moroder, qui fait quand même partie des grandes idoles de Daft Punk. Voilà, alors évidemment, là, je sais que les auditeurs sont en train de se dire, mais c'est incroyable, j'ai jamais entendu personne perdre à ce jeu. Eh bien, c'est parce que je n'ai pas envie de vous faire perdre. Je ne suis pas là pour vous faire souffrir. La vie s'en charge suffisamment. Ah, vous avez gagné un exemplaire du jeu de société Blockbuster qui sortira au mois d'octobre, un partenariat des éditions Radio France et Marabout. Ah bah super, merci beaucoup. Eh ben merci à vous Vanessa, au revoir. À bientôt. Alors rapidement, j'aimerais vous demander un conseil culturel en matière de musique voilà électronique. Est-ce qu'il y a un petit groupe qui n'est pas encore au niveau de Daft Punk, mais à suivre en ce moment? Stéphane Jourdain. Je suis en train de chercher dans mes playlists Spotify. J'ai pas de nom comme ça, de petits français que j'écouterai en ce moment. Ou même, vous savez, même étranger. Hein, je veux dire, je suis pas non plus complètement fermé. J'écoute beaucoup de techno allemande. Si vous avez aimé ça, je vous conseille Roman Flügel. Tout est Roman Flügel, techno allemande. Sébastien Follin. Alors moi, ce que je fais, c'est que je suis abonné aux playlists de Carl Cox, qui évidemment aujourd'hui ne mixe plus, mais il y a à disposition énormément de ces setlists sur les réseaux. Et là, c'est absolument dingue parce qu'il y a des choses totalement inconnues et qui s'écoutent très fort à la maison. Donc à une heure relativement décente pour ne pas faire fuir les voisins. D'accord, donc Carl Cox, la playlist de Carl Cox. Les playlists de Carl Cox. C'est le dieu vivant qui ne mixe plus mais qui continue à produire. Et voilà, c'est très bien d'exception. Je suis le conseil personnellement. Océane Zerbini. Moi c'est un conseil vieux de 15 ans, c'est LCD Sound System. C'est un mélange d'électro, de punk, de rock, de pop. Et leur premier single s'appelait Daft Punk is Playing at My House. Donc pour rester un peu dans le thème, LCD Sound System, c'est vraiment très très bien. Eh bien, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à tous et à toutes. Merci Stéphane Jourdain, merci. Sébastien Follin, Océane Zerbini. Merci. Comme toujours, chers auditeurs, chères auditrices, si vous le désirez, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur la page Facebook de l'émission. Il y a également Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. La spécificité de notre musique et de notre travail, c'est qu'il y a une vraie interaction entre la musique et la technologie, en fait. Où la technologie et la technique est d'une certaine façon membre du groupe à part entière. Et on se retrouve demain pour parler de révolte étudiante et de psychothérapie avec des super pouvoirs. On va parler du jeu vidéo Persona. Mais dans quelques instants, vous allez retrouver le Mac de l'été avec Anna Sigalevitch. Bonjour Anna. Bonjour Frédéric. Alors je crois qu'aujourd'hui vous n'êtes pas très loin de la maison de la radio. Non, je ne suis pas très loin, mais je suis quand même très loin, dans un endroit tout à fait magique. Je suis au pied de la Tour Eiffel. Oh, formidable! Oui, parce qu'il va y avoir ce soir le concert de Paris, que je vais avoir la joie d'animer à 21h. Et avant, donc on fait le Mac de l'été au pied de la Tour Eiffel avec le grand ténor Benjamin Bernheim. Parfait, on vous rejoint, bonne émission.